oh oui, oh oui. Tout en folie, tout en bordel. Big up à Sharon au passage. On aime les vieux flex. Aurédou, l'école des champions. Oh oui, les grandes oreilles. Comme Vara, je suis en extension. Kennedy flow présidentiel, sont rincés. Je suis en début de saison, je suis focus. Ils regardent le ciel, je suis un villageois, fais péter le macon. Mode avion, j'ai coupé tel. Je suis au parc, y'a v'là le son. Parce que la tour Eiffel a des grandes oreilles. Ah, jumelles et sous-titres. Elle aime Chanel, prend Gucci à la fin de la game. Je sais pas pourquoi elle aime les querelles. Comme Beyoncé dit toujours ma name. Je crois que je les aime un peu rebelles. C'est ce que les cartes tarot révèlent. Santiago, je suis trop réel. C'est ta nana, je suis désolé. Je voulais pas te mettre une semelle. Avec moi, y'a rien de boring. C'est skincare si on parle de routine. Je suis extrémiste, métro Berlin. Aime la techno, weekend Berlin. Parisienne, elle aime Céline. J'ai trop de traces de griffures partout. Je crois qu'elle est un peu féline. Y'a une autre meuf, elle élimine. Tequila, je pense qu'elle est fêlée. On me connaît ici. Donc pas de folie, drôle de flex, désolé. On garde ça pour le lit bébé. C'est Zaza, si tu veux fumer. Pour moi de l'air, je veux une grosse bouffée. Je leur ai dit, je suis pas n'importe qui. Ok, ma fragrance est raffinée. La Ralph Lauren est parfumée. Tu connais, c'est un initié. C'est la vieille mode, ça Giuseppe. Il s'arrête quand, je sais pas. C'est mon monde, je fais une inception. Comme Vara, je suis en extension. Kennedy flow présidentiel, sont rincés. Je suis en début de saison, je suis focus. Ils regardent le ciel, je suis un villageois. Fais péter le macon. Mode avion, j'ai coupé tel. J'suis au parc, y'a v'là le son, parce que la tour Eiffel a des grandes oreilles. C'est Ousmane, c'est ma saison. Kennedy flow présidentiel. J'ai pas le temps pour vos trucs de con. J'suis focus, y regarde le ciel. Villageois, fais péter le macon tout en bordel. J'ai coupé tel, drôle de flex, je sais, pardon. La capitale a les grandes oreilles. Hey.